Moi, pour prendre soin de mes vêtements, même les plus délicats, j'ai mon petit secret. Après mon achat, je les range dans le placard, comme ça. Ensuite, je ferme le placard et le tour est joué. Comme ça, ils restent comme neufs. Enfin, d'ailleurs, ils sont vraiment neufs. Sinon, il y a la gamme de lave-linge Electrolux Perfect Care pour prendre soin de tous vos vêtements, même les plus délicats. Sa technologie autodose choisit même pour vous la bonne quantité de lessive à chaque cycle. Découvrez toutes les offres promotionnelles actuellement disponibles en magasin avec jusqu'à 200 euros remboursés sur la gamme Electrolux Perfect Care. Voir conditions dans les magasins participants et sur electrolux.fr. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Les Petits Revenants, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Vincent Bègre, réalisée par Laure Egoroff. La fiction d'aujourd'hui pose une question actuelle très sensible. Le retour des enfants de Daesh, ces enfants dont les parents ont quitté la France pour rejoindre l'État islamique et aller se battre en Syrie. Certains n'ont même pas un an, d'autres en ont 3, 5, 10... Tous ont grandi dans le territoire de Daesh, confrontés à la guerre, à la violence et à l'endoctrinement du califat et du terrorisme islamique. Alors, que faire de ces enfants? Leurs parents sont français, allemands, belges, mais l'Europe ne se presse pas pour leur porter assistance. La France, par exemple, rapatrie certains enfants au Koungout. Leurs parents sont morts ou prisonniers dans des camps tenus par des Kurdes, des Irakiens, des Syriens, des camps dont l'état sanitaire est déplorable. La survie de ces enfants est aujourd'hui en jeu et devient un problème humanitaire majeur. Martin van der Donk, du réseau de sensibilisation à la radicalisation, le RAN, créé par la Commission européenne, le confirme dans une interview au journal La Croix. Il dit « Accueillir ces enfants-là, c'est une opération à laquelle les pays européens n'ont jamais été confrontés jusqu'à maintenant. Quel risque pour la société et pour ces gamins ? Ces questions demeurent. Pourquoi ces enfants feraient-ils peur ? Après la fiction, nous recevrons Marie Dosé, avocate pénaliste. Elle représente plusieurs familles d'enfants prisonniers en Syrie et au Kurdistan et défend leur rapatriement. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Les Petits Revenants, de Vincent Daigre. Paris, Maison de la Radio, 24 octobre 2018. La question ultra sensible du jour. Bonjour Sophie Parmentier. Bonjour. Comment rapatrier en France les enfants de djihadistes français en Syrie? Dernier décompte, il serait 150. Le gouvernement français semble en tout cas en train de préparer ses retours progressivement. Pour la première fois ces derniers jours, deux émissaires du Quai d'Orsay se sont rendus dans un camp du Kurdistan syrien à la rencontre de femmes et d'enfants français qui y sont retenus depuis la chute de Daesh. Paris, Quai d'Orsay, novembre 2018, merci. Tôt le matin. Madame Plantier, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation au sein de notre groupe de travail. Je vous en prie, c'est normal. Alors, je vous présente Cédric Régnier, de passage à Paris, qui réalise en ce moment un reportage grand format sur les camps kurdes. Enchanté, Madame Plantier. Voilà, et voici le docteur Catherine Adam, spécialiste du psychotrauma de l'enfant. Bonjour, madame. Bonjour. Ils font tous deux partie de notre groupe et, si vous en êtes d'accord, ils assisteront à nos échanges. D'accord. Quant à moi, je suis chargé d'auditionner, en lien avec le CICR, des spécialistes de l'aide sociale à l'enfance, humanitaires, médecins, magistrats, mais aussi les familles de personnes mineures revenant de zones d'opérations terroristes, afin de préparer au mieux leur accueil. Le terme de « revenant » est très juste. Par contre, personnes mineures... Vous devriez dire enfant, ce serait plus simple, non? Si vous voulez. En quoi puis-je vous être utile? Vous êtes la sœur de Sophie Plantier, dite Leïla Nazir, mère de Ryan et de Mehdi, née tous deux en Syrie à Raqqa début 2015. Raqqa peut-être, ou Alep. Vous pouvez nous aider à favoriser leur retour. Vous savez, j'ai plus de nouvelles de Leïla depuis un an et demi. Peut-être qu'elle est dans un camp, peut-être qu'elle est morte avec Ryan et Mehdi dans un bombardement. Enfin, tout est possible. C'est peut-être un peu tôt pour parler de leur retour. Actuellement, il y a un afflux considérable de réfugiés dans les camps tenus par les Kurdes. On parle de plusieurs milliers de personnes. Toutes les informations que vous détenez sur le parcours de votre sœur peuvent aider à l'identifier. Et nous permettraient d'apprécier au plus juste les conditions de son rapatriement avec ses enfants. Vous recherchez les djihadistes, n'est-ce pas ? Nous envisageons de rapatrier tout le monde et de juger sur le territoire français celles et ceux qui doivent l'être. Leïla n'est pas une terroriste. Nous ne demandons qu'à en être convaincus, Madame Plantier. Parlez-nous d'elle. Vous savez, Leïla, c'est ma petite sœur. Et pourtant, c'est très dur à comprendre, presque impossible. Comprendre quoi ? Comprendre qu'en ayant reçu la même éducation d'une mère aimante, ouverte à l'autre, veillant toujours à prendre sur soi pour blesser personne, Leïla a rejoint un pays étranger, loin de nous et loin de ce que nous sommes. Comment tous les jeunes qui sont partis là-bas ont-ils pu un seul instant se sentir concernés par cette guerre ? Personne ne peut le comprendre, moi je ne le comprends pas. Votre mère est croyante ? Ma mère était catholique pratiquante. Elle est décédée peu de temps après la conversion de Leïla à l'islam. J'en ai été très affectée. Leïla, elle, n'a rien montré de sa peine. Vous l'appelez Leïla ? Elle interdit qu'on l'appelle Sophie. À force, je me suis habituée. Elle est partie seule ? Non. Elle venait de se marier avec un type sorti de nulle part, Ahmed. Ils sont partis vivre en Égypte pour apprendre l'arabe. Ils disaient que c'était provisoire. Beaucoup de combattants sont passés par l'Égypte. Elle venait pour apprendre et pratiquer la langue, pas pour devenir combattante. D'ailleurs, son métier est incompatible avec les armes. Quel métier ? Infirmière. Vous pensez que son nouveau mari avait prémédité de rejoindre Daesh ? Je me suis longtemps posé la question. Mais je ne crois pas. Les recruteurs là-bas ciblaient les plus faibles. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de religion. Il s'agit d'une secte. Quand est-elle partie pour la Syrie ? Fin 2014. Conversation WhatsApp entre Leïla et Clémence, novembre 2014. Allô ? Clémence, bonjour ma sœur. Je suis contente de te parler, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de tes nouvelles. J'étais occupée. Ahmed va bien ? Oui, très bien. Et toi ? Je vais bien aussi. T'es sûre ? Oui, je te dis. T'es bizarre. Non, pas du tout. Bon, quand est-ce que vous revenez avec Ahmed ? Écoute Clémence... Ouais. Nous ne reviendrons pas. Qu'est-ce que tu dis, petite sœur ? Tu me manques déjà beaucoup trop, tu vas pas t'installer en Égypte pour toujours, c'est ridicule. Pas en Égypte. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin, je comprends rien. Nous ne sommes plus en Égypte. C'est une blague ? Vous êtes où, alors ? En Syrie. En Syrie ? Où ça, en Syrie ? Je peux pas te le dire. Nous avons rejoint l'État islamique, machallah. Quoi ? Attends, comment c'est possible ? T'es devenue folle ? Nous avons un appartement confortable, nous pouvons enfin pratiquer l'islam librement. Je travaille à l'hôpital, je suis utile ici. Ils ont tellement besoin de personnel de santé que je suis traitée comme une princesse. Ahmed a un travail, il n'a fait qu'un seul mois d'instruction armée. Quel travail ? Comme il connaît le français, l'anglais et maintenant l'arabe, il fait la tournée des épouses et des veuves de combattants pour leur donner de l'argent ou des vivres. Je devrais pas me réjouir, mais je préfère quand même qu'ils soient en sécurité. Les veuves de combattants ? Non mais est-ce que tu t'entends ? En Syrie, c'est la guerre, t'es partie vivre dans un pays en guerre ! Ne t'inquiète pas, tout va bien, c'est un nouveau départ. Et j'ai une autre bonne nouvelle. Je t'envoie la photo. C'est bon ? Tu l'as ? Ouais. C'est flou, je suis pas sûre de... C'est quoi ? Un test de grossesse, positif. Oh. Je sais pas quoi te dire. Tu pourrais être plus enthousiaste. Bon, il faut que je te quitte. Attends encore un peu, s'il te plaît. Je peux pas, c'est l'heure de la prière de grâce. Au revoir, ma sœur. Au revoir. Paris, Quai d'Orsay. Novembre 2018, milieu de matinée. Elle avait l'air de vivre presque normalement. Elle n'avait pas encore besoin d'argent, elle appelait presque tous les jours. Mais on parlait plus de politique. Pourquoi ? Au début, on a parlé un peu de religion, mais on n'était jamais d'accord. Au fait, j'avais peur que ça finisse en dispute et qu'elle veuille plus me parler. Et les enfants? Elles m'envoyaient des vidéos régulièrement, ils paraissaient en bonne santé. Quelque chose nous intrigue dans ce dossier. Oui. Selon nos informations, ces deux garçons ont le même âge. Ils sont jumeaux? Je sais pas si je dois... Nous pensons prioritairement à leur intérêt. Moi, je sais pas toujours où sont leurs intérêts. Ryan n'est pas le fils de Leila. Il est le fils de Soraya, une amie de Leila. Elles ont pris la fuite ensemble avec les enfants pendant l'offensive de la coalition. Elles étaient donc toutes deux à Raqqa? Je sais pas. Leila disait jamais où elle était. Elle était surveillée, vous savez. Elle avait pas le droit de parler avec moi. Après chaque appel ou chaque message, elle effaçait tout sur son portable. Et Ahmed? Les épouses veillent sur les enfants. Les maris combattent, sont faits prisonniers ou meurent. C'est ce qui est arrivé à Ahmed. Ahmed est mort. Conversation WhatsApp entre Leila et Clémence. Je suis désolée. Je suis tellement désolée, Leila. Août 2017. La voiture a été bombardée. Il est mort sur le coup. C'est arrivé quand? La semaine dernière. Mehdi? Il va bien, il n'était pas avec nous. Il jouait avec Ryan chez Soraya. Tu sais, Clémence, 10 minutes avant, j'étais avec lui dans la voiture. Il m'a déposé, et sur le chemin du retour... Il faut que tu quittes la Syrie. Il n'y a plus d'eau ici. Il faut marcher des heures pour en ramener, il n'y a plus rien à manger. Tous les jours, ils nous bombardent, les enfants ont peur. Tu dois partir. Ouais, je sais. Soraya et moi, nous nous sommes préparés. Nous allons partir avec les enfants, cette nuit. Vous irez où? Vers le sud-est, je peux pas t'en dire plus. Vous êtes que tous les quatre? Non, plus, beaucoup plus. Tu dois t'enfuir avec Mehdi, Soraya et Ryan. Rejoindre la Turquie, je vous ramènerai en France. S'il m'arrive quelque chose, c'est Soraya qui s'occupera de Mehdi. Elle m'a promis. Non, il t'arrivera rien. Tu m'entends? Rien de rien, petite sœur. Elle m'a promis. Et moi aussi, je lui ai promis pour Ryan. Reviens en France, s'il te plaît, Leila. Reviens pour Mehdi. Tu comprends rien. C'est la France qui a tué son père. Jamais, jamais je rentrerai. Paris, Quai d'Orsay, novembre 2018, fin de matinée. Quelques semaines plus tard, je l'ai eu à nouveau au téléphone. Elle parlait comme un robot. Son groupe s'était divisé en deux afin de franchir une rivière ou un fleuve, le Frat, je suppose. Le premier groupe, celui où étaient Soraya et Ryan, a été attaqué par des avions russes quand il atteignait la berge. Ils se sont réfugiés dans les maisons les plus proches, mais les avions les ont bombardés. Le groupe de Leila a attendu la nuit. Un homme a traversé à la nage. Dans les ruines, seul Ryan avait survécu, blessé au bras. Pendant 6 heures, il était resté seul au milieu des morts, à côté du cadavre de sa mère. Il avait 2 ans. Alors ma sœur a tenu sa promesse et l'a recueilli. Et ensuite? Ensuite, plus rien. Ou presque. J'ai reçu quelques messages qui me demandaient où était Leila. Je pense que Daesh la recherchait. Ça fait presque 1 an et demi que j'ai plus de nouvelles. Nous sommes désolés. Il y a déjà des gens qui sont rentrés? Des enfants? Quelques-uns. Le plus souvent clandestinement par la Turquie. Puis ils rentrent avec l'aide de leur famille restée sur le territoire national. Et une fois arrivés en France? La justice intervient dès l'atterrissage. Les enfants sont séparés de leur maman, ce qui d'ailleurs complique les choses pour déterminer ce qu'ils ont vécu. Les enfants sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, le temps que le diagnostic en matière de santé, aussi bien physique que psychique, soit établi. Et c'est tout? On cherche à les scolariser. Et aussi à localiser la famille restée en France pour savoir si ces enfants pourront être de nouveau confiés à des proches. Généralement, cela prend entre 12 et 18 mois. On entend partout que ce sont des bombes à retardement. Je déteste cette formule. Les bombes, elles leur tombent dessus depuis le jour de leur naissance. Ce sont pas des bombes, ce sont des enfants. Si nous pensions que tous les enfants maltraités ou traumatisés constituaient automatiquement un danger pour la société, c'est toute la protection de l'enfance qui serait à revoir. Plus ces enfants seront pris en charge tôt, plus on prendra soin d'eux, plus on les rassurera dans le cadre d'un entourage bienveillant, plus ils auront des chances de reprendre le cours d'une vie normale. J'espère que Mehdi et Ryan pourront être accueillis ainsi. S'ils ne sont pas déjà morts. Il ne faut pas perdre espoir. Baghouz est en train de tomber. C'est plus qu'une question de jours. Des dizaines de milliers de personnes fuient actuellement l'État islamique. Ils sont arrêtés par les milices kurdes pour rejoindre les camps de Roj ou d'Alol. J'y retourne bientôt. Si vous avez des photos à me confier pour les identifier, je serai attentif. Là-bas, nous sommes en train de recenser tous nos ressortissants. Nous allons tout mettre en œuvre pour les ramener. Le dispositif est prêt. Nous avons préparé une vaste opération de rapatriement conjointement avec les Américains. Tous les personnels de justice, de santé et aussi les militaires sont mobilisés. D'accord. Bien. Merci pour ces informations, Madame Plantier. Si d'ici là, un détail vous revenait ou en cas de besoin, n'hésitez pas. Voici mon numéro de téléphone. Merci. Camp de Alol, Kurdistan syrien, 2 mars 2019. Au Kurdistan syrien, ils sont des milliers de femmes et d'enfants parqués dans des conditions inhumaines dans les camps d'Alol et de Roj, sous l'autorité des milices arabo-kurdes des forces démocratiques syriennes vainqueurs de Daesh. Dans le camp, les latrines débordent, de l'eau d'égout ruisselle dans des tentes en lambeaux, des enfants boivent de l'eau de lavage dans des cuves contenant des vers, de jeunes enfants présentant des éruptions cutanées aux membres maigres et au ventre ballonné fouillent dans des tas d'immondices à la recherche de quelque chose à manger, où sont étendus à même le sol le corps recouvert de poussière et de mouches. Plusieurs enfants sont blessés, l'un âgé de 12 ans a perdu la vue à cause d'un éclat d'obus à Baghouz. Un autre, âgé de 4 ans et originaire d'Ouzbékistan, est assis, le regard vide, dans sa poussette que sa mère mène à travers des gravats, sa jambe droite amputée à mi-cuisse. D'autres sont morts de diarrhée aiguë et d'infections comme la grippe, ont indiqué Human Rights Watch et les gérants du camp. Selon les Nations Unies, depuis 3 mois, au moins 240 enfants ont péri sur le chemin ou en arrivant à Alol. Ici, les tensions sont élevées. De nombreuses femmes ont affirmé qu'elles craignaient pour leur sécurité et celle de leurs enfants. Des femmes du camp, qui adhèrent encore à l'idéologie extrémiste de l'État islamique, ont incendié les tentes de femmes et d'enfants qu'elles considèrent comme des infidèles. Les gardes fouillent les tentes, tirent fréquemment en l'air pour maintenir l'ordre et emmènent des familles en pleine nuit. Les administrateurs du camp ont affirmé que ces raids nocturnes étaient nécessaires pour retirer des femmes ou des enfants considérés comme des menaces pour la sécurité ou pour réinstaller des familles dans d'autres zones d'Alol. Une femme se dit prête à tout pour retrouver la France. J'ai fait une erreur, je suis venue ici, mes enfants sont ici. Si je dois faire 20 ans de prison pour leur redonner un avenir, je suis prête à payer. L'administration autonome des camps a appelé à plusieurs reprises les pays d'origine à récupérer tous les étrangers qui sont sous sa garde. « Nous sommes submergés », a affirmé un directeur du camp de Roj. « Abandonner des citoyens à un enfermement à durée indéfinie, sans chef d'inculpation, ne fera qu'aggraver le problème », déclare-t-il. Kurdistan syrien, camp d'Alol, Cédric Régnier pour France Info. Paris, Maison de la Radio, 18 mars 2019. France Inter. Les enfants sont-ils comptables des choix de leurs parents? Des enfants nés en Syrie, le plus souvent de mère française, partis rejoindre le califat du groupe État islamique. Ils sont une centaine, peut-être 150, et la France entend régler leur sort au cas par cas après avoir rapatrié 5 orphelins la semaine dernière. La France, une nouvelle fois accusée devant l'ONU, c'est une information France Inter. 2 ténors du barreau parisien, Maître Leclerc et Dosé, portent plainte pour tenter, Sophie Parmentier, d'infléchir la doctrine du gouvernement. C'est la deuxième plainte qu'il dépose en quelques jours devant l'ONU. Après... Conversation WhatsApp entre Cédric Régnier et Clémence, 20 mars 2019. Allô ? Oui, Clémence, c'est Cédric Régnier, le journaliste. Vous rappelez-moi ? Oui, bonjour Cédric, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Je vous appelle d'Alol. Comment c'est là-bas ? Les conditions de vie sont très dures, mais j'ai une bonne nouvelle. Ah oui ? Je vous passe quelqu'un. Allô, Clémence ? Leïla ! C'est toi ? Comment vas-tu ? Comment vont les enfants ? Ils sont vivants, subhanallah. Mais ici, c'est l'enfer, ma sœur. Une fille de 15 ans est morte d'insuffisance rénale la semaine dernière. Il faut que nous sortions de là. En France, ils parlent de ramener tout le monde. Tu reviendras. Tu reviendras bientôt avec les enfants, je te le promets, Leïla. Écoute, je peux pas rester trop longtemps au téléphone. Une Russe a été poignardée il y a pas longtemps parce qu'elle a dit trop fort qu'elle voulait rentrer. D'accord. Ici, certaines sont folles. Il y en a une qui m'a menacée. Elle est dans le camp avec sa fille et veut continuer le djihad. Sa fille a demandé le rapatriement en cachette, et si elle l'apprend, elle la tuera, tu comprends ? Oui, oui, oui, je comprends. Fais attention à toi. Je te rappellerai bientôt. Le journaliste m'a donné un portable, je t'embrasse. Oh, je suis tellement heureuse de te savoir vivante. Je t'embrasse, Leïla. À bientôt, à bientôt. À bientôt, Clémence. Clémence ? Merci, Cédric, je vous remercie, les jeunesses, C'est merveilleux. Et Clémence, je ne veux pas ternir votre joie, mais il semblerait que l'opération de rapatriement évoquée par notre ami du Quai d'Orsay soit compromise. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Fin février, nous avons publié avec le Figaro un sondage qui révèle que 2/3 des Français sont contre le retour des enfants djihadistes. Comment c'est possible ? Un réflexe tribal, en quelque sorte. Mais diverses sources m'indiquent que depuis, le gouvernement a changé de doctrine à cause de l'opinion publique et privilégie l'option du retour des enfants au compte-gouttes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le rapatriement de votre sœur et des garçons va être plus difficile que prévu. Je vous suggère de contacter un avocat pour la défendre et l'aider. Attendez, ma sœur n'est pas une djihadiste. Les enfants, eux, n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à venir au monde en Syrie. Raya n'a pas demandé à ce que sa mère soit tuée. Ce sont des victimes de guerre et des ressortissants français. La France doit les ramener avec leur mère. Écoutez, votre sœur, en rentrant, risque au minimum 7 ans de prison. Il faut qu'elle soit défendue. Quant à Mehdi, vous pourriez peut-être l'accueillir. Et Ryan ? Ryan a une famille en France qui a, elle aussi, demandé son rapatriement. Ryan a perdu sa mère à l'âge de 2 ans. C'est Leïla, sa mère, maintenant. Pas pour la justice française, Clémence. Je dois vous quitter à présent. Je prendrai un avocat. Merci encore, Cédric. Je vous en prie, Clémence, c'est bien peu. Camp de Halol, Kurdistan syrien, nuit du 8 juin 2019, sous une tente. Donne-lui, Mehdi. Faut partager avec ton frère. Après, on ira au dodo, d'accord ? Leïla Nazir ? Oui ? C'est lui, Ryan ? Non, lui, c'est Mehdi. Mehdi, c'est ton fils. Ils sont tous les deux, mes fils. Tu mens. Vous faites quoi ? Ryan, c'est pas ton fils. Mais arrêtez, je vous en supplie ! Mais non, mais rendez-le moi ! C'est mon fils ! C'est mon fils ! Au secours, ils ont les pompiers ! Paris, Maison de la Radio, 10 juin 2019. France Inter. Ils étaient 5 orphelins mi-mars ramenés de Syrie en France. Cette fois, ce sont 12 enfants de djihadistes français qui sont arrivés ce midi à Paris, remis aux autorités françaises par les Kurdes de Syrie, hier à la frontière avec la Turquie. Bonsoir Sophie Parmentier. Bonsoir. Ces 12 enfants n'ont pas plus de 12 ans, certains sont malades et la plupart sont orphelins. Et ces 12 enfants ont été rapatriés précisément soit parce qu'ils sont orphelins, soit parce qu'ils étaient isolés ou très vulnérables, explique le ministère des Affaires étrangères qui a assuré avec l'armée française ce nouveau rapatriement de fils et de filles de djihadistes français. Le gouvernement préfère ne pas détailler ces critères de vulnérabilité. En tout cas, parmi les enfants rapatriés aujourd'hui, 2 l'ont été avec l'accord de leur propre mère qui a choisi de les laisser partir en France en restant, elle, prisonnière des Kurdes à Roges, ce qui est une première. Conversation WhatsApp entre Leïla et Clémence, 10 juin 2019. Ma sœur, ils m'ont enlevé Ryan cette nuit, je sais pas où il est. Leïla. Il faut que tu fasses quelque chose. Moi, si je peux rien, contacte la presse, demande de l'aide au Quai d'Orsay. Leïla, écoute-moi. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire ? Il est tout petit, il n'a plus que moi, ils n'ont pas le droit. Leïla, il est ici, il est en France. Comment ? Il a été rapatrié cette nuit avec 11 autres enfants. T'es sûre ? T'es vraiment sûre ? Oui. C'est Cédric Régnier qui m'a appelé ce matin pour me le dire. Il était à bord de l'avion qui les a ramenés. Oh Clément, j'étais si inquiète. Je croyais ne plus jamais pouvoir le revoir. Il est en sécurité maintenant. Il a été pris en charge. Dans quelques mois, il pourra retrouver sa vraie famille. Je n'ai pas eu le temps de lui expliquer. Ils me l'ont arraché des bras, Clément. Il doit être terrorisé sans moi. Il va manger à sa faim, être soigné, dormir dans un vrai lit. Il n'entendra plus le bruit des bombes, les coups de feu, les avions. C'est vrai. Il est hors de danger maintenant. Alhamdoulilah, Soraya serait heureuse. Mais je suis la seule à pouvoir raconter son histoire à Ryan. Je suis sa mère, Clémence. La seule mère qui lui reste. J'ai pris un avocat. Tout le monde dit qu'il est très bien. On va vous sortir de cet endroit, Mehdi et toi. C'est long, Clémence. Tellement long. Dans le camp, les femmes de Daesh nous répètent en boucle que la France ne veut plus de nous. Tu crois qu'elles ont raison ? Paris, Quai d'Orsay, août 2019. Quelle nouvelle de Syrie, Cédric ? Aucune en provenance du camp d'Aïnissa. Personne ne sait ce qui s'y passe, même le CICR n'a pas réussi à y rentrer. En revanche, les dernières nouvelles en provenance de Roj et de Alol sont inquiétantes. Dites-moi en plus. Je suis sûr que vous n'avez pas besoin de moi pour être informé, n'est-ce pas ? Je croise mes sources. Il semble que l'État islamique soit en train de ressurgir en Syrie, alors que les États-Unis retirent leurs troupes du pays. On pense que Daesh compte encore entre 14 000 et 18 000 membres en Irak et en Syrie, dont 3 000 étrangers. Exact. Nos amis américains, avec leur délicatesse habituelle, nous ont d'ailleurs à nouveau demandé, au début du mois, de rapatrier les djihadistes étrangers détenus par les Kurdes. Et si nous ne le faisons pas, ils ont menacé de les relâcher. La situation dans les camps est très instable. On a vu des mutineries, des tentatives d'évasion. On a vu aussi des enfants hisser des drapeaux de l'État islamique, encouragés par leur mère. Les laisser dans ces camps, c'est un risque pour notre sécurité. C'est aussi mon avis. Selon le Centre d'analyse du terrorisme et pas mal d'autres organismes, les Kurdes sont incapables de juger les djihadistes étrangers et d'assurer leur détention. Tôt ou tard, ils vont repartir dans la nature, les rapatrier. C'est la seule solution pour contenir la menace. Et les enfants, François ? Ramenez au moins les enfants, ne les oubliez pas. La France doit ramener ses petits ressortissants, tous. En ce moment, ils payent de leur vie les erreurs de leurs parents, sans procès, sans jugement. En Syrie, la situation est passablement complexe. Non, c'est très simple, au contraire. La vérité, c'est que la France, violant les traités qu'elle a signés, laisse en conscience des enfants français mourir. En ce moment même, à Aïnissa, Roj ou Alol, ils meurent. La France en a ramené 17 parce qu'ils sont orphelins ou avec l'accord de leur mère restés en Syrie, mais 140 sont morts sur les routes ou dans le camp. Plus de 200 attendent encore leur rapatriement. Les petits revenants, de Vincent Degre. Avec Cassandre Vitu de Keraoul, Dalia Bonnet, David Mijot, Laurent Dolce, Françoise Laurente, Ayat Amiri, Zoé Bémont de Senneville, Frédéric Rose. Bruitage, Benoît Fèvre. Prise de son, montage, mixage, Pierre Henry, Lydwine Caron. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Réalisation, Laure Egoroff. Mais c'est encore vous, mon cher. Oh, mais c'est encore vous, mon cher. Me dit-elle tout à coup. Me dit-elle tout à coup. Oh, je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Lavons-nous de la boue. Lavons-nous de la boue. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Et oublions tout. Et oublions tout. Et tenons-nous debout dans la lumière. Et tenons-nous debout dans la lumière. Soyons prêts à tout. Soyons prêts à tout. Il en va de la vie de nos mères. Il en va de la vie de nos pères. Il en va de nous. Il en va de nous. Je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui les petits revenants. Notre invitée Marie Dauzet, avocate pénaliste qui défend le rapatriement de ses enfants prisonniers en Syrie et au Kurdistan. Bonjour Marie Dauzet. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste très engagée dans le retour de ces enfants français qui se retrouvent prisonniers en Syrie ou au Kurdistan. Je parle d'enfants âgés d'un an à 14 ans, dont les pères ou les mères ont quitté la France pour rejoindre Daesh. Vous avez déclaré « Le retour des djihadistes est inéluctable, le débat arrive trop tard ». Est-ce que vous pourriez aller plus loin dans cette déclaration, nous expliquer pourquoi vous l'avez faite et ce que vous voulez dire ? D'abord, ces enfants, les deux tiers, ont moins de 6 ans. Donc, ils ne sont pas tous nés là-bas et certains d'entre eux ont grandi en France avant d'être emmenés là-bas. Mmh. Et pourquoi ces retours sont inéluctables? Tout simplement parce que ils sont pris entre plusieurs étaux. Vous avez d'un côté l'État islamique qui les attend avec une grande impatience pour en faire des enfants soldats. Vous avez de l'autre côté les Turcs qui attendent d'attaquer les Kurdes. Qui ont eux-mêmes combattu Daesh. Évidemment. Et ces enfants sont actuellement dans une zone de guerre, de non-droit, et qu'ils risquent effectivement d'être récupérés par le pire. Donc c'est inéluctable parce qu'il faut les sauver, ils sont innocents, ils n'ont pas demandé à naître là-bas ou à être emmenés là-bas, et c'est inéluctable parce que nous devons nous protéger de ce que là-bas ils vont faire de ces enfants. Donc voilà, d'ailleurs tout était prêt. En février 2019, il y avait un plan de rapatriement qui était préparé, organisé, par les services de renseignement français, et puis parce que l'opinion publique a considéré qu'il ne fallait pas que ces enfants rentrent et que les pouvoirs publics écoutent un peu trop une partie de l'opinion publique, ou en tout cas une certaine opinion publique, eh bien, ils ne sont pas rentrés. Mais qu'est-ce que vous voulez dire une certaine opinion publique? Qui dit quoi? Qui pense quoi? Parce que vous savez, ça fait 2 ans que j'essaye d'expliquer que d'abord un enfant est une victime de guerre, d'accord, et qu'il n'y a pas d'endoctrinement d'un enfant quand il a 1 an, 2 ans, 3 ans, pour les 2/3 d'enfants de 6 ans, et que de toute façon, ce sont des enfants français qu'il faut sauver. Au tout départ, il y a 2 ans, j'étais effectivement pas entendue. Il y avait une période post-attentat, qui est toujours d'ailleurs, cette période-là. Mais on ne voulait pas entendre parler de retour, même des enfants, parce que on les considérait finalement aussi responsables que leurs parents, c'est qu'ils sont complètement dingues. Et puis petit à petit, moi j'entends les gens évoluer. J'entends les mots se prononcer différemment, j'entends les doutes, j'entends les pas qui se font, alors que ce gouvernement a décidé de figer l'opinion publique dans ce qu'elle a de pire. L'opinion publique, c'est pas que la fachosphère. Et je crois qu'à un moment donné, ce qui est intéressant, ou ce qui doit être fait quand on est un homme politique, c'est de prendre de la distance. Parce que sinon, vous savez, la peine de mort, elle serait toujours en France ce que les Français réclament, c'est-à-dire elle n'aurait jamais été abolie. Oui. Donc voilà, c'est tout. Je crois qu'à un moment donné, le devoir d'un politique, c'est de prendre la distance. Là, en l'occurrence, c'est une question humanitaire, mais c'est aussi une question sécuritaire. Vous parliez des Français, de la France, qui doit rapatrier les enfants français. Certes, elle peut aller plus loin aussi. Les enfants étrangers, elle peut aussi les récupérer. Vous savez, elle a déjà... Non, c'est déjà assez difficile avec les Français, déjà... d'accord. Non, mais pour l'instant, mais il faut qu'on reste un peu pragmatique. Voilà 2 années que c'est non. Que ces enfants et leurs mères doivent rester dans des camps où 390 enfants sont décédés à Alol depuis la chute de Baghouz. 390 enfants, est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? Les conditions sanitaires dans ces camps, ce n'est pas moi qui les définis comme cela, ce sont les Kurdes eux-mêmes. Jamais les camps n'ont été, un camp n'a été aussi dangereux pour les enfants. 390 enfants. Donc, vous nous dites qu'on manque de ce qu'on appelle une volonté politique. La volonté politique, c'est parfois aller à l'encontre de la majorité sociologique. C'est ça. Je pense tout simplement que la France doit prendre ses responsabilités. Excusez-moi, c'est pas l'avocate qui le dit, le défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, les Nations unies et le Haut Commissariat des droits de l'homme aux Nations unies. Tous exhortent les États étrangers, et donc la France en tout premier lieu, puisque c'est le plus gros contingent, à rapatrier leurs ressortissants. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir que la France regarde en face les conséquences de son inertie. Ça bombarde, ça bombarde, la Turquie bombarde, Trump s'en va, les Kurdes vont fuir, l'État islamique les attendent. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 15 jours, al-Baghdadi a appelé ses combattants à aller les chercher? Bien sûr, al-Baghdadi, le chef de Daesh, a appelé ses combattants à venir chercher les femmes et les enfants. Qu'est-ce qu'on est en train de créer, les attentats de demain? Alors justement, puisque vous parliez d'approche humanitaire et d'approche politique, on va illustrer ça avec deux déclarations, deux archives que nous allons écouter ensemble. J'imagine que vous connaissez l'ONG Save the Children, dont nous allons entendre une représentante, Joëlle Bassoul. Et ensuite, pour l'approche politique, nous écouterons Xavier Bertrand, qui est président de la région Hauts-de-France. On va les écouter les uns après les autres. Donc Joëlle Bassoul d'abord, Xavier Bertrand ensuite. Ces enfants sont en premier les victimes de ce conflit. Même si leurs parents sont liés à l'État islamique, eux, c'est des enfants. Actuellement, les zones où ils se trouvent sont des zones de combat. Il n'y a aucune infrastructure légale pour les prendre en charge, même pour pouvoir mettre leurs parents face à leurs responsabilités légales. Ça n'existe pas en Syrie, donc c'est le devoir de leur pays d'origine de les reprendre pour pouvoir les réintégrer dans la société. À propos du rapatriement des enfants de djihadistes, qu'on appelle les petits revenants, c'est devenu une sorte de débat politique un peu oiseux. Vous en avez appelé à Emmanuel Macron et au gouvernement pendant toute cette émission. Est-ce que vous considérez qu'ils font le boulot correctement? Cette semaine, 5 ont été ramenés en moins de 5 ans. Xavier Bertrand. Dans une famille qui est de la région, avec leur grand-mère, avec qui j'étais en contact, qui m'a expliqué. Situation très particulière, leur maman a été tuée. Et là, ces enfants, dans une situation sanitaire très difficile, notamment un qui a un an, était proposé de les faire revenir, mais pas n'importe comment, chez leur grand-mère. Cette décision a un caractère humanitaire. Je pense que cette décision est celle qu'il fallait prendre. Maintenant, pour le reste, il ne peut pas y avoir de généralisation. Et tous ceux qui sont allés faire le djihad pour s'en prendre à la France, cela, il y a un principe, on doit se protéger au maximum et tout faire pour qu'ils ne reviennent pas et qu'ils soient condamnés. Ma seule règle, c'est l'intérêt général de la France et des Français. Qu'en pensez-vous? Je pense ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, non, mais je pense qu'il sait très bien qu'il dit n'importe quoi. Se protéger au maximum de ces gens, c'est évidemment les ramener. Je rappelle qu'au Kurdistan syrien, la justice n'existe pas. Il n'y a pas d'institution judiciaire, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de tribunal. Je rappelle que ces femmes, lorsqu'on nous explique qu'elles doivent être jugées là-bas, c'est impossible, puisqu'il n'y a pas de tribunal. Le Kurdistan syrien, c'est pas un État. La justice syrienne, elle n'existe pas. Toutes ces femmes font l'objet d'un mandat d'arrêt international en France, d'un juge antiterroriste français. Et rien d'autre, elles ne sont judiciarisées qu'en France. Donc lorsqu'il explique que se protéger de ces femmes, c'est les laisser demain entre l'État islamique, après-demain entre de bombes turques qui vont faire en sorte qu'elles vont pouvoir retrouver un groupuscule terroriste qui n'attend que ça, c'est complètement irresponsable. Mais il le sait au fond. Au fond, il le sait. Donc d'un côté, on nous sort la carte humanitaire, on en a rapatrié un, mais pas de généralité, ah bon? Ah, c'est ça. Mais le fait du prince, c'est quoi? Vous vous rendez compte? Toi, t'as le droit d'être sauvé. La France te sauve. Par contre, toi, tu meurs dans un camp. Parce que t'as pas de chance, ta maman est en vie. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est le au cas par cas qui vous choque. Il le dit, hein, on fait au cas par cas, on ne va pas généraliser. Monsieur, il en reste 210. Il reste 210 enfants qui sont en train de crever dans ces camps parce que leur mère est en vie. C'est ça le cas par cas? C'est ça l'humanitaire de ce nouveau monde? Non, mais je ne peux pas croire que cet homme politique pense crédible ce qu'il est en train de raconter. Voilà. Je sais très bien que l'histoire, un jour, va leur revenir tous comme un boomerang. L'histoire jugera, mais dans quelques jours et dans quelques semaines. Ça y est. Erdogan est aux portes, Trump s'en va, et l'État islamique les attend. Voilà. Ça sera d'une histoire qui n'est pas l'histoire de Daesh, qui est l'histoire de France. Depuis 2 ans, ce qui se passe dans ces camps, c'est pas la responsabilité de Daesh. C'est la responsabilité de la France qui refuse de rapatrier ces femmes pour qu'on s'en protège, pour les plus dangereuses d'entre elles, et qui refuse de sauver des enfants qui sont innocents. C'est tout. J'imagine les gens qui nous écoutent, qui ont entendu parler, on leur a dit aux informations que Daesh a été battu ici et là, a subi pas mal de revers. Enfin, Daesh existe toujours. Non seulement il existe toujours, mais si ces personnes écoutent la radio, et notamment la vôtre, ils savent que depuis 2 mois, l'État islamique reprend du galon. Ouais. Et lorsque leur chef, al-Baghdadi, demande de sauver ses femmes et ses enfants, de les libérer pour mieux se les réapproprier, c'est pour faire grossir ses rangs. Ils sont toujours prêts, ils sont toujours là. Et nous,

C'est-à-dire que c'est des gamins, et moi je les connais, je les vois grandir depuis 2 ans grâce à mon téléphone portable, qui devient un véritable outil d'information. Chaque nuit, ces femmes, avec leur téléphone, me donnent des nouvelles de leurs enfants, donc je les vois grandir, ou plutôt ne pas grandir. Ce sont des enfants qui ont les yeux vides, qui sont effectivement marqués par les bombes, par les bombardements, par les avions, qui ont très peur des avions, et puis qui ont un quotidien avec le néant, rien, des cailloux. Racontez-nous ça. Mais les camps, un camp, ce n'est rien. C'est une tante, une mère qui vous aime, et tout le reste, le néant. Des Kurdes qui patrouillent, des femmes extrêmement radicalisées, violentes, qui menacent les mères de brûler leurs tentes si elles demandent leur rapatriement en France. Donc on reconstruit l'État islamique, c'est un Guantanamo avec des enfants. Donc ces enfants-là, non seulement ont vécu la guerre, mais depuis quelques mois, ou près de 2 ans pour certains d'entre eux, se trouvent dans un néant absolu qui s'appelle le camp Roj, le camp Alol ou le camp Inissa. Donc ce sont des gamins qui ont besoin d'être soignés, ce sont des victimes, elles sont traumatisées. Mais ce ne sont pas des enfants qui sont endoctrinés. Pour être endoctrinés, encore faut-il avoir la faculté d'ingérer une doctrine, donc oui. Ça n'a strictement aucun sens. C'est bien ce qui me semblait. J'essayais de comprendre entre les lignes. Alors, mais oui. Excusez-moi, j'ai rencontré il y a très peu de temps Boris Cyrulnik, que vous invitez régulièrement dans vos émissions, et qui partageait évidemment, non pas mon sentiment, mais le triste constat qui est le mien, et qui disait plus le temps passe, plus c'est compliqué de les soigner. Et j'avoue que pour certains d'entre eux, je ne supporte plus ce qu'il se passe, parce que je vois à quel point s'ancre le traumatisme. Et je me dis, mais il y a 2 ans, on aurait pu le sauver tellement, non pas facilement, mais avec tellement plus de facilité. Leur plus bel âge, leur plus bel atout, c'est leur âge. C'est justement leur âge. Donc il aurait fallu les cueillir là, tout de suite, pour pouvoir justement les sortir plus vite de leur traumatisme. Et Boris Cyrulnik le dit, plus on attend, plus ce sera difficile. Et je vois là que c'est une question d'urgence à tous les niveaux. Ceux qui y sont, faut y aller, absolument, et vite. Et puis, il faut qu'ils soient rapatriés le plus jeune possible. Tout est question d'urgence, là, non ? Urgence sécuritaire, urgence humanitaire. Urgence sécuritaire, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, on fabrique les attentats et les terroristes de demain. Et urgence humanitaire, parce que c'est maintenant qu'il faut les sauver, si on veut les sauver pour toujours. Et il y a une chose à laquelle je pense souvent, et c'est ce que finalement démontre l'appel d'Al-Baghdadi, cette absence totale d'humanité, en disant non, ce sont des enfants qui sont des enfants de Français qui se sont trompés, donc ils ne méritent que la mort, Daesh l'attendait de notre part. Notre échec, c'est la victoire de Daesh. Le fait qu'on mette nos valeurs de côté, nos valeurs républicaines, nos valeurs humanitaires de côté, c'est ce que voulait Daesh. Et là-dessus, force est de constater quand même que sur ce registre précis, il est en train de gagner. Et moi, je me bats contre cela. Ouais. Est-ce qu'on a des chiffres précis, ou au moins des proportions, combien sont revenus déjà les enfants avec leur mère parmi tous ceux qui sont partis ? Alors, je souris, ça se voit pas, on est à la radio, mais je souris parce que c'est quand même extraordinaire. Depuis le début, depuis donc, on est 2013, les premiers départs, 2012-2013, au 1er octobre 2018, 300 majeurs et mineurs sont déjà rentrés. Des personnes qui ont fui l'État islamique, qui arrivent en Turquie, et là vous avez l'accord Cazeneuve, dès qu'ils arrivent en Turquie, ils sont expulsés vers la France. Ces enfants, sur les 300, je crois qu'il y avait 75-80 enfants, ont été placés par l'aide sociale à l'enfance, sont retournés chez leurs grands-parents, chez leurs tantes, il n'y a aucune difficulté. Ces femmes, elles sont judiciarisées en France, il n'y a aucune difficulté. Ces hommes sont judiciarisés en France, il n'y a aucune difficulté. Donc, de toute façon, il y a déjà 300 majeurs et mineurs qui sont rentrés en France. Donc, il n'y a pas d'excuses ? Mais non ! Actuellement, il y aurait entre 200 et 250 enfants français et une centaine de femmes qui sont dans ces camps, en train de périr. Et on nous dit, vous vous rendez compte, on n'a pas les moyens. Mais ça suffit, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Et je rappelle que les juges antiterroristes étaient prêts. En février 2019, ils ont tous annulé leurs vacances. Elles vont rentrer, et elles vont toutes être mises en examen, et elles vont toutes aller à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. Tout était prêt. Et puis, on a arrêté parce qu'un sondage a dit, on ne veut pas qu'elles rentrent. Et les gamins, alors, ceux qui sont rentrés, comment ça s'est passé ? Parce qu'effectivement, il y a cette question d'urgence de les faire rentrer, ceux qui sont encore là-bas, et puis il y a ceux qui sont ici. Donc ça a été quoi le parcours ? Je ne sais pas, à travers un ou deux exemples, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Moi, je m'occupe des grands-parents dont les enfants orphelins sont rentrés, donc tout de suite, ils sont placés par l'aide sociale à l'enfance. Ils sont d'abord pris en charge médicalement, ce sont des enfants qui ne sont pas vaccinés, qui sont carencés, qui ont été malnutris, qui sont déshydratés, qui sont malades, le plus souvent. Parce que dans ces camps, les maladies, c'est tout de même la règle. Donc, d'abord, on les soigne. Ensuite, on les place dans des familles d'accueil. Pourquoi ? Parce qu'il faut un milieu neutre, avec famille d'accueil, psychologue, psychiatre, éducateur. On diligente une enquête chez les grands-parents. Oui. Pour voir si effectivement il y a pas de difficulté pour d'abord pour les rencontrer, pour tisser un lien et puis ensuite pour les prendre en charge. Et petit à petit, c'est ainsi que l'enfant retrouve sa famille. Voilà. Et ça se passe véritablement sans difficulté. Les services de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis sont spécifiquement formés à cela. Et vous connaissez des familles, vous avez rencontré des enfants, des familles. Comment c'est quoi le discours, enfin, on va pas dire le discours de l'enfant type qui revient, parce que évidemment on peut pas généraliser, mais qu'est-ce qu'ils disent ces gosses, c'est quoi, comment ils expriment leurs souvenirs, qu'est-ce qu'ils comprennent ou ne comprennent pas? Alors on va prendre des gamins de 7 à 10 ans par exemple qui ont déjà une conscience, pas les bébés quoi. Tout ce que je peux vous dire, parce que je veux préserver leur histoire, oui, et leur intimité, mais tout ce que je peux vous dire, ce qui m'a marqué moi, c'est que ce sont d'abord des enfants qui ne parlent pas. Et que quand pour certains d'entre eux on essaye de parler de tout ça, ils ferment la bouche avec leurs petites mains de celui qui en parle. Donc il faut les soigner. Ce sont des enfants qui ont besoin d'être soignés. Votre combat, il n'est pas facile. Hein. Vous le disiez dès le début, puisqu'il se heurte à une majorité sociologique qui dit oh là, c'est dangereux, faut pas les faire revenir. Vous n'avez pas l'impression parfois de prêcher dans le désert, bien que ça ne vous décourage pas, j'imagine, quand on mène un combat, s'il est difficile, il est difficile. Mais comment vous le sentez? Comment vous sentez ce qui me désespère, l'attention que vous pouvez générer? Non, ce qui me désespère, c'est que ce soit un combat. Moi, je ne pensais pas que ça serait un combat un jour. Si on m'avait dit il y a 20 ans, tu vas devoir combattre pour que des enfants innocents ne périssent pas dans des camps au Kurdistan syrien, j'aurais éclaté de rire. Moi, j'ai pas prêté serment pour ça. Le fait que ce soit un combat est désespérant. Mais c'est comme ça. On a la société qu'on mérite aussi. Donc, il faut lutter contre ce qu'elle charrie de pire. Chacun avec ses moyens, donc moi avec le droit. Savez-vous comment ça se passe dans d'autres pays, dont certains ressortissants sont allés combattre, se faire embrigader, pour la plupart se faire tuer d'ailleurs? Les États-Unis ont rapatrié, la Russie a rapatrié, la Tchétchénie a rapatrié, le Kosovo a rapatrié, la Suisse, enfin, il y a une semaine, a dit on arrête là, on va rapatrier. L'Australie, même chose. Je pense que les autres pays européens attendent la France. Ils attendent la France parce que c'est en France qu'il y a eu le plus grand nombre de départs vers la Syrie. Et que si Emmanuel Macron faisait œuvre de pédagogie et prenait une heure pour expliquer aux Français qu'il en va de leur sécurité et que sur un registre humanitaire, il faut les rapatrier, eh bien, il n'y aurait pas de difficulté pour que l'Allemagne et la Belgique suivent. Il en va de notre sécurité, effectivement, à long terme. Sauf que les gens, là, pour le coup, réfléchissent à court terme. Ils voient un danger immédiat, qui n'est d'ailleurs pas un danger, ils en oublient le vrai danger qui, lui, est différé dans le temps. Les gens. Moi, je les vois changer, les gens. Oui, je les entends, je les écoute. Vous savez, il n'y a pas que Twitter ou Facebook. Hein. Moi, il y a plein de messages. Il y a plein de messages au cabinet qui, de plus en plus de gens qui me disent vous avez raison. On n'était pas d'accord avec vous au début, mais vous avez raison. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Donc, je crois pas. Il faut pas figer l'opinion publique dans la pire des émotions qu'elle a pu avoir. Faut pas la figer. Il y a de plus en plus d'étudiants qui viennent me voir. À la Sorbonne, on fait une thèse sur tout ça, c'est scandaleux, maître. Il y a une troupe de théâtre extraordinaire qui est en train d'écrire une pièce sur tout ça. Je crois pas. Ce pays ne peut pas être ça. C'est pas possible. Au plus profond de moi, je sais que c'est pas possible. Mais ce sera le mot de la fin en forme de vœu, Marie Dauzet. Merci infiniment. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Les Petits Revenants. Une fiction écrite par Vincent Daigre, réalisée par Laure Egoroff, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Anne Lioro, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Maxime Ingrand et Juliette Delperrault.